Il est temps d'exterminer ta sale espèce. Il est temps d'exterminer ta sale espèce. Mon nom c'est Nukem. Mon nom c'est Nukem. Duke Nukem. Thank you.